Chapitre 7 Après la mort. Lorsque quelqu'un vient de mourir, on commence par dresser ce que l'on appelle sa chapelle blanche. Aujourd'hui, l'on se contente de parer le lit mortuaire, mais il y a peu de temps encore, c'était sur la table de la cuisine, contre la fenêtre, que l'on couchait le cadavre. On étendait sur le lit un drap blanc. Deux autres draps étaient appendus aux poutres du plafond de chaque côté de la table, et l'on y épinglait de place en place soit des branchettes de gui, soit des rameaux de laurier. Catherine Carvenec, Port-Blanc. Voir Anatole Le Braz, Funérailles d'été dans Pâques d'Islande, page 101. Le Rosic Carnac, page 175. En Southwest, dans les Hébrides, c'est aussi sur une table de la cuisine que le corps est exposé. En Écosse, quand on a lavé le corps et qu'on l'a vêtu d'une chemise et de bas, on le met sur la Strecking Beard et on le couvre d'un drap. En Irlande, dans la chambre d'un mort, les murs doivent être tendus de draps et la porte ouverte car l'âme voltige dans la chambre. On enlève les draps des murs quand le cercueil sort de la maison. À Cork, on ne touche pas à la chambre mortuaire avant que les pleureurs ne soient revenus de l'enterrement. Au temps où l'usage existait encore de coucher le mort sur la table de cuisine, la tête reposait au haut bout, sur un oreiller de baldavoine, dans le jour de la principale et le plus souvent unique fenêtre, là où d'ordinaire était placée à demeure la tourte de pain, et le linge que l'on étendait sur le cadavre était toujours une des grandes nappes dont on avait coutume de recouvrir ce pain pour le préserver du soleil ou de la poussière. Ces nappes étaient généralement d'une toile assez fine et ornées d'une croix rouge ou bleue tissée dans la trame. Je suis devenu, par suite d'une circonstance intéressante à relater, le dépositaire d'une nappe de ce genre, l'une des dernières probablement qui subsiste. Dans l'été de 1909, je vis arriver chez moi un soir Lise Bellec, qui habitait alors à peu de distance l'ancien manoir à demi ruiné de Kervignoux. Elle portait un léger paquet enroulé dans son tablier et, après m'avoir demandé avec sa politesse habituelle une minute d'entretien, elle me tint à mi-voix et d'un ton un peu mystérieux le discours que voici. Vous savez qu'il y a maintenant beaucoup de gens riches qui courent les campagnes à la recherche des vieilles choses. Nous en avons une dans la famille depuis plus de 100 ans et que je ne voudrais pour rien au monde voir passer dans des mains d'étrangers. C'est un simple carré de toile, mais qui a pour moi un prix inestimable, car il a couvert le pain que mon père, mon grand-père et peut-être mon bisaïeul ont mangé, et il a couvert pareillement leur corps. Dieu pardonne à leurs âmes, depuis l'heure de leur dernier soupir jusqu'à celle de leur mise au cercueil. Or, on est déjà venu me demander à l'acheter comme curiosité, et l'on m'en a même offert jusqu'à 100 francs. J'ai répondu que je ne m'en dessaisirais ni pour argent ni pour or, mais ces étrangers sont capables de revenir quelques jours où il n'y aurait à la maison que ma sœur Gode, et j'ai peur que celle-ci, qui n'est pas aussi stricte que moi sur ce point, ne se laisse tenter. 100 francs, c'est une grosse somme pour de pauvresses comme nous qui n'avons pas un liard. Alors, pour empêcher que cela ne soit, j'ai pris la nappe et je vous la porte. Rendez-moi le service de la garder et de la transmettre à vos enfants en souvenir de moi. Ainsi, je serai tranquille sur son sort. Tout en parlant, elle avait déplié devant moi la nappe en question. Inutile, je pense, d'ajouter que je l'ai toujours. C'est une fine toile de chanvre, chef-d'œuvre de quelques tisserands de campagne. Elle est non point carrée, mais rectangulaire, et mesure 2 mètres de long sur 90 centimètres de large. 3 grandes bandes rouges la traversent, et à l'une de ses extrémités, qui est frangée de rouge et de bleu, elle porte une croix rouge sur une espèce de socle quadrillé de rouge et de bleu. Le tout est d'une nuance un peu passée, mais d'un grain extraordinairement délicat et solide. Naguère, en trégor, pour indiquer qu'il y avait un mort dans la maison, l'on suspendait au dehors de chaque côté de la porte deux des longues mantes noires à cagoules qui sont le vêtement de deuil des femmes du pays. Catherine Carvenec, Port-Blanc. Lorsqu'un chef de famille vient de décéder, la première chose à faire, s'il y a des ruches dans le courtis, c'est de les mettre en deuil en épinglant des lambeaux d'étoffe noire dans la paille. Si l'on omettait cette précaution, toutes les abeilles mourraient, et les ruches, une fois vides, le malheur ne tarderait pas à vider aussi la maison. Baptiste Toupin, jardinier, Plouguiel. L'ensevelissement. Pour la parure funèbre du mort, on commence par lui passer une chemise blanche. Au vieillard, on met par surcroît un bonnet de nuit. S'il s'agit d'une femme, après lui avoir peigné et lissé les cheveux, on la revêt de sa coiffe la plus belle, ainsi que de sa collerette et de sa guimpe. Quant à l'ensevelissement proprement dit, il consiste à envelopper le cadavre jusqu'à mi-corps dans un drap frais, à peu près comme on emmaillote un enfant, de façon que les bras restent libres et que les pieds eux-mêmes ne soient pas trop entravés. On joint ensuite les mains du mort, paume contre paume, et on lui enroule un chapelet, le sien autant que possible, autour des poignets. Marie-Jeanne Fisch, Rosporden. La coutume de couvrir les ruches d'étoffe noire est rapportée par Cambry, Voyage dans le Finistère, tome 2, page 16, et attribuée au district de l'Esnevin. En Écosse, on ne manque pas d'annoncer la mort aux abeilles et on met un crêpe à la ruche. Si l'on y manquait, les abeilles s'offenseraient et quitteraient la place. En Irlande, quand un essaim d'abeilles quitte subitement la ruche, cela présage que la mort rôde auprès de la maison. En Irlande, dans le cercueil, on joint quelquefois les pieds du mort en épinglant les bas l'un à l'autre. Mais il faut enlever les épingles avant de mettre le corps en terre, sinon le mort reviendrait pour dire qu'il a les pieds liés. Une autre coutume semble inspirée aussi par le désir de laisser au mort la liberté de ses mouvements. À la maison, on cloue le couvercle du cercueil, mais quand on est au bord de la fosse, on enlève les clous et on les met les uns en travers des autres sur le couvercle. En Écosse, en mettant le corps dans le cercueil, on coupe avec des ciseaux tous les cordons du linceul. Dans les Hébrides, les bandes qui lient les orteils, les mains et la figure du cadavre pendant l'exposition sont enlevées lors de la mise au cercueil pour que le mort ne soit pas retenu lorsqu'il ira au jugement. On coule le linceul sur le corps des morts, c'est là un privilège qui leur est réservé. Il en résulte qu'on ne doit jamais raccommoder les vêtements d'une personne sur la personne elle-même. On ne doit pas clouer le cercueil d'un enfant nouveau-né. Si on le fait, la mère n'aura pas d'autre enfant. D'autres coutumes irlandaises semblent procéder d'une croyance contraire à celle-là. On lit quelquefois un fil autour de l'orteil d'un cadavre. Le veuf qui donne à sa femme morte un solide cercueil est sûr de trouver immédiatement une autre femme. Les personnes qui procèdent aux ensevelissements sont presque toujours les mêmes dans chaque quartier. C'est une fonction, une sorte de sacerdoce. On dit qu'elles sont averties par une divination mystérieuse qu'on va avoir besoin de leurs offices dans tel ou tel endroit avant que le messager chargé de les prévenir ait fini de nouer les cordons de ses souliers. La vieille Lena Bitou de Kermaria avait déjà franchi la moitié du parcours quand on l'envoyait chercher. « Oui, oui, disait-elle, je sais ce que c'est, épargnez-vous des paroles inutiles. » Claude L'Olivier, Port-Blanc. Dans la presqu'île de Crozon, chaque paroisse a ses ensevelisseuses attitrées, en quelque sorte, et dont c'est proprement la spécialité. Ce sont pour l'ordinaire de vieilles femmes. Elles apportent à leur fonction une dignité singulière, commencent par se tremper les mains dans l'eau bénite et ne manient ensuite le mort ou la morte qu'avec des précautions infinies. À les entendre, il n'y a rien de plus sensible qu'un cadavre. Neus ne raken guisidic hacur corf maro. Pierre Le Goff, Argol. En quelques régions, une fois le mort enseveli, on incline au-dessus de lui le cierge qui brûle à son chevet pour faire goûter de la cire bénite sur son linceul. Il est bon d'ensevelir les morts dans des draps qui ont servi à tapisser les murs sur le passage de la procession un dimanche de fête Dieu, Zul ar Sacrament. Si l'on se pique le doigt en épinglant le linceul d'un mort, c'est signe que, de son vivant, le défunt avait contre vous quelque rancune cachée. Ne pas manquer en pareil cas de faire dire une messe pour le repos de son âme. Aujourd'hui, les plus pauvres ont leur cercueil fourni soit par la municipalité, soit par une quête faite parmi les voisins. Il n'en a pas toujours été de même. Dans mon enfance, il y avait pour les indigents une façon de bière toute primitive que l'on désignait par le terme peu décent de sparl ou morre. Le sparl est une entrave que l'on met au cou des pourceaux ou d'autres bêtes pour les empêcher de s'introduire dans les champs. Il est formé d'une traverse de bois dans laquelle sont fixés deux montants en serrant le cou de l'animal et que l'on réunit par le haut au moyen d'une cordelette. Quant à morse, c'est le pluriel de porcelle, cochon. Elle consistait en deux planches horizontales entre lesquelles on plaçait le cadavre et que l'on fixait à l'aide de six bâtonnets, trois sur chaque côté. Les deux premiers prenant le cou, deux autres maintenant les bras collés le long des hanches, les deux derniers en serrant les jambes à la hauteur des chevilles. Des trous de tarière étaient percés dans les deux planches pour recevoir ces bâtonnets qui y étaient assujettis avec des coins, comme cela se fait pour les bâtons des claies qui ferment les brèches des champs. Rien de plus simple, on le voit, ni non plus de plus grossier. Pour les tout jeunes enfants, j'ai ouï dire à mon grand-oncle que, de son temps, c'est-à-dire quelques années avant la Révolution, le procédé était encore plus rudimentaire. On découpait de moitié de vieilles écorces d'arbres, on couchait le petit mort dans le creux de l'une, on rabattait sur lui la seconde, comme un couvercle de berceau, et l'on amarrait le tout avec un lien de genêt tordu. Une erebalan, communiqué par mon père, Tréguier, 1898. Je relève à ce propos dans les archives du Parlement de Bretagne, 25 septembre 1724, registre 343, folio 15 et 16, l'arrêt suivant. Le procureur général remontre que les paysans, pour en tirer les enfants, enlèvent des écorces d'arbres pour leur servir de bière, ce qui fait périr les arbres et requiers, etc. La cour fait défense à toute personne d'enlever ou faire enlever les écorces des arbres et surtout ceux des châtaigniers pour servir de bière aux enfants et à tout recteur, curés et prêtres de les enterrer en cet état à peine de 500 liards d'amende vers les uns et les autres. Et serait le présent arrêt lu et publié au prône des grands messes des paroisses de la province. Dans quelques parties de l'Irlande, le cercueil ne servait qu'à transporter les morts au cimetière. À Enniscorthy, Wexford, on tirait le mort du cercueil pour l'enterrer dans une fosse revêtue de mottes de gazon. Dans le Kerry, anciennement, on mettait le corps dans un lit de coquillages. L'histoire du bedeau de Névez. Autrefois, dans les petits villages, c'était toujours le bedeau qui devait mettre les morts au cercueil. Le bedeau du bourg de Névez, un jour qu'il venait de remplir cet office, s'en retournait à l'église afin de tout disposer pour l'enterrement, lorsque, sur la barrière d'un champ au bord de la route, il aperçut un homme assis, vêtu de ses hardes du dimanche. « Bonjour, camarade Jean-Louis, dit l'homme en levant la tête qu'il avait d'abord tenue baissée. « Comment ? » s'écria le bedeau stupéfait. « C'est vous qui êtes là, Joachim Lasblaise ?» C'était précisément le mort qu'il avait enfermé dans sa bière quelques minutes auparavant, après lui avoir passé ses effets les plus propres. « Oui, c'est bien moi, répartit Lasblaise. Je suis venu te guetter ici pour t'avertir qu'il faut que tu recommences incontinent ta besogne. Vous n'étiez donc pas bien tel que je vous avais mis? Non, tu as replié mon bras gauche sous mon corps. Je ne veux pas m'en aller dans cette posture. » Ce disant, il disparut. Le bedeau rebroussa chemin aussitôt, rentra dans la maison mortuaire et, au grand scandale de la famille, rouvrit le cercueil. Ce que Lasblaise avait dit était vrai. Le bras gauche était replié sous le corps. Le bedeau remit les choses en ordre et se dirigea de nouveau vers le bourg. Comme il passait devant la barrière, il vit que le défunt était encore là, mais debout cette fois et la tête haute. « Aurais-je commis quelque autre manquement ? » se demanda le bedeau. Mais non, le mort se contenta de lui faire un signe de la main comme pour prendre congé. « Dieu vous donne ses joies, » dit le bedeau en se découvrant. Et ce fut tout. Comptez par Coudray, Corret. Il y a dans chaque paroisse quelqu'un qui a la spécialité de faire la barbe aux morts. À Pinvénan, c'était autrefois le vieux Flemme, Arflemme Coz. Il savait, dit-on, d'après le bruit que faisait le poêle sous le rasoir, si le trépassé était ou n'était pas en état de grâce pour paraître dans l'autre monde. Tant que le cadavre n'a pas quitté la maison mortuaire, il ne faut ni balayer le parquet, ni épousseter les meubles, ni jeter dehors aucune poussière ou balayure, de crainte d'expulser aussi l'âme du mort et d'attirer sur soi ses vengeances. En revanche, il faut avoir soin de vider ou tout au moins de couvrir tout vase contenant un liquide, le lait excepté, afin que l'âme ne risque pas de s'y noyer. Le Calvez, la mort en Basse-Bretagne, Revue des traditions populaires, tome 3, page 46. En Écosse, le balayage d'une chambre où un cadavre a été doit être fait par une femme qui a passé l'âge d'enfanter et non par un jeune homme ou une jeune femme. On en voyait plusieurs qui avaient grand soin de vider toute l'eau qui se trouvait dans une maison quand quelqu'un y était décédé, de peur que l'âme du défunt ne s'y noyât. Vie de Monsieur le Noblet, 1666. Chez O. Perrin et A. Bouet, Galerie Bretonne, page 156, c'est la coutume contraire qui est mentionnée. On a soin de tenir tous les vases remplis d'eau pour que l'âme ne cherche pas à se purifier dans le lait qu'elle pourrait corrompre. Puis, quand on pense que l'âme s'est purifiée, on jette et on remplace toute l'eau de la maison. En Écosse, on verse sur le sol tout le lait qu'il y a dans la maison. On met du fer dans toutes les victuailles pour éviter qu'elles se corrompent. Quelquefois, on jette dehors tous les oignons et le beurre. En Bretagne, quand une personne mourait du cancer, on mettait sur la table une motte de beurre. Le cancer allait dans le beurre et on enterrait la motte une heure après la mort. Tant que le mort est sur les tréteaux funèbres, c'est lui faire offense que d'envoyer les gens de la maison à l'ouvrage comme si de rien n'était. Tant que l'inhumation n'a pas été faite, on n'attelle pas les chevaux, à moins qu'un cours d'eau ne sépare de la maison mortuaire. Les mauvais esprits ne passent pas les cours d'eau. Quand un adulte meurt, on n'attelle pas la charrue et aucun ouvrier ne travaille tant que le corps n'est pas enterré. En Écosse, au départ du convoi, on lâche les animaux et s'ils suivent le cortège, cela prouve la sympathie qu'ils avaient pour le défunt. Le foin gâté. En ce temps-là, j'étais petite servante à Kersaliou. Barthélemy Repars, le maître de la maison, vint à mourir. C'était au commencement de juillet. Le fils aîné, Louis, travaillait dans une prairie voisine à faner les foins avec les domestiques. On m'envoya le prévenir de rentrer tout de suite. Peu après, les autres travailleurs rentrèrent aussi pour la collation de 3 heures. Quand ils eurent fini de manger, l'un d'eux demanda « Est-ce qu'il faut retourner au pré ?»« Oui, bien sûr, » répondit le fils Repars. « Le temps menace, et si les foins ne sont pas terminés aujourd'hui, ils risquent d'être perdus demain. Ce n'est pas l'usage quand il y a un mort sur les tréteaux, » fit observer le vieux Christophe Loiret, qui était à Kersaliou depuis près de 30 ans. Louis Repars lui dit avec dureté « Le maître ici, désormais, c'est moi, je pense, et non pas vous. Allez, et faites ce que je vous commande. » Ils allèrent, quoiqu'à contre-cœur. Comme ils approchaient du pré, ils ne furent pas peu surpris de voir qu'un homme les y avait devancés, qui se promenait de long en large, semblant prendre plaisir à piétiner les foins. Lorsqu'ils furent plus près encore, leur étonnement se changea en frayeur, car à la démarche et aux vêtements de l'étrange promeneur, ils le reconnurent pour Barthélemy Repars en personne. Le vieux Loiret prononça « Doué d'abandon un anon, Dieu pardonne aux défunts ». Incontinent, la vision disparut, et les hommes pénétrèrent dans la prairie où ils trouvèrent leurs fourches disposées en croix deux par deux. « Ce foin-ci, vous verrez, ne vaudra pas grand-chose, » dit Christophe Loiret à ses compagnons. Cependant, à quelques jours de là, quand on le mit en meule dans la cour du manoir, le foin avait belle apparence. Des mois s'écoulèrent. Le propos de Loiret était depuis longtemps sorti de l'esprit des domestiques, et Loiret lui-même ne faisait plus mine de s'en souvenir. Un soir, Louis Ropars dit au valet d'écurie, « Marquis, c'était un surnom qu'on lui donnait. Tu prendras dorénavant le fourrage des bêtes au tas de foin de cette année. » On était à la fin de l'automne, dans la saison des labours. Lorsque, le lendemain matin, on voulut atteler à la charrue la meilleure jument de Kersaliou, c'est à peine si elle pouvait tenir sur ses jambes, et dans la journée, elle creva. Moins d'une semaine plus tard, ce fut le tour d'une autre jument, une poulinière magnifique qui n'avait pas sa pareille dans le canton. Cette fois, le fils Ropars fit venir le vétérinaire, qui s'enquit de ce qu'on avait donné à manger à la bête. On lui montra le foin qu'il trouva de belle qualité. « Il y a quelque chose, déclara-t-il, mais je ne sais pas quoi. » Et sa science ne servit pas davantage pour les autres chevaux, car en l'espace d'une petite quinzaine, toute l'écurie y passa. C'était la ruine pour les Ropars. Le fils devint triste, sombre. Par surcroît, il se mit à boire. Le soir de Noël, il ne rentra pas. La mère nous envoya dans toutes les directions à sa recherche. Ce fut Christophe Loiret qui le découvrit. Il s'était pendu à la branche d'un pommier. D'avoir manqué à son père défunt lui avait porté malheur. Conté par Catherine Lescope, Plouvorne. La nuit où quelqu'un de vos proches vient de mourir, vous voyez marcher devant vous des lumières dont vous êtes toujours séparés par le même intervalle, quelque effort que vous fassiez pour les atteindre. Il y a une croyance analogue en Irlande. Sur la tombe d'une personne très pieuse, on a vu, dit-on, des lumières. Sur les lumières qui marchent, voir le rousic, Carnac. L'âme changée en fleur qui s'éloigne quand on veut l'accueillir, et le mort qui marche devant vous et que vous ne pouvez rejoindre. Paul Sébillot, légende du pays de Paimpol. Les êtres qui sont toujours à la même distance de ceux qui les poursuivent sont fréquents dans les contes celtiques. Voir par exemple le Mabinogi de Pwyll, les Mabinogions, traduit par Gilot, deuxième édition, tome 1, page 95, et la prise du château de Da Derga, édition Stock. Revue Celtique, tome 22. La mort des usuriers ou des gens riches qui ont été durs envers le pauvre monde est toujours suivie de tempêtes, de pluies d'orages ou d'éclairs. La colère des éléments ne s'apaise que lorsque le cadavre a quitté la maison mortuaire. Il est rare que les personnes qui le veillent n'aient pas à rallumer à plusieurs reprises les cierges déposés près du lit. Dans les îles d'Irlande, quand une personne meurt, on met 12 roseaux allumés autour du lit pour empêcher le diable de venir prendre l'âme. Les mauvais esprits ne peuvent franchir un cercle de feu. Il y a un moyen assuré de ne jamais retrouver une personne morte sur son chemin, c'est d'embrasser son cadavre avant la mise au cercueil. En Écosse, si l'on veut ne pas rêver d'un mort, il faut toucher son cadavre. Les gens qui font partie du cortège funèbre vont voir le mort et touchent sa poitrine ou son front. Sans cela, son image ne quitterait pas leur esprit. Dans le Sutherlandshire, on croit que le cadavre d'une personne assassinée ne se corrompt pas jusqu'au moment où on y touche. Dans les Hébrides, si une personne mise en présence d'un cadavre ne pose pas sa main dessus, elle aura à le voir de nouveau. Dans la basse Cornouaille, on dit que pour donner force et longue vie à des enfants chétifs, il n'est que de les mener prier auprès d'un enfant mort et de le leur faire embrasser. Marie-Jeanne Fisch, Rosporden. En Cornouaille, le toucher de la main d'un mort guérit certaines maladies. En Irlande, un morceau du drap qui a enveloppé un cadavre guérit le mal de tête et l'enflure si on l'attache autour de la partie malade. Une courroie de peau découpée sur un mort sert à mettre en votre pouvoir toute personne sur laquelle vous la posez sans qu'elle le sente. Dans un conte irlandais, cette courroie magique est découpée sur le corps d'un taureau. Une personne qui dérobe dans un cimetière la main d'un mort a le pouvoir d'enlever le beurre à ses voisins aussi longtemps qu'elle garde cette main dans sa maison. La main d'un enfant mort sans baptême qui vient d'être déterré dans le cimetière au nom du diable est un charme puissant. une chandelle placée dans la main d'un mort fait tomber dans un sommeil cataleptique les personnes présentes. Au contraire, le toucher du cadavre par les animaux est regardé comme funeste. En Irlande, il faut tuer tout animal qui passe sur un cadavre exposé. En Écosse, après la mort, on enferme les poules et les chats, car s'ils sautaient sur le cadavre, la première personne qu'ils rencontreraient après deviendrait aveugle. La veillée mortuaire. La veillée mortuaire s'appelle un Nosveil. En Irlande, ceux qui vont à une veillée funèbre ont des précautions à prendre et des observances à garder. Il est bon qu'ils aient du sel dans leur poche et qu'ils en mangent quelques grains pour se défendre contre les mauvais esprits. Il faut, pendant une veillée, que l'horloge soit arrêtée, que l'on n'enlève pas les cendres, que l'on allume sa chandelle, non pas à celle d'un autre, mais à une allumette ou au feu. On ne peut refuser une pipe qu'un assistant vous offre. Il faut en tirer au moins deux bouffées. Les personnes qui ont été à une veillée funèbre ne doivent jamais prendre un enfant dans leurs bras avant de s'être plongé les mains dans l'eau bénite. En Galles, les veillées mortuaires communes autrefois ont maintenant disparu. Certaines personnes privilégiées savent d'avance quand il doit y en avoir une dans la région. Mon beau-père était de ce nombre. Il avait un bâton d'épines rouges qu'il appelait son compagnon de nuit. C'était un solide penbase qui s'assujettissait au poignet, comme tous les penbases, à l'aide d'un cordonnet de cuir. Lorsque mon beau-père rentrait de la promenade, il ne manquait jamais d'aller suspendre son bâton à un clou derrière l'armoire. Or, deux ou trois jours avant qu'il dût y avoir une veillée funèbre dans le quartier, le bâton d'épines rouges se mettait à osciller, lentement d'abord, puis de plus en plus vite, entre l'armoire et le mur, les heurtant à tour de rôle. Quand il heurtait l'armoire, on entendait « doc ». Quand il heurtait le mur, on entendait « dic ». On eût dit le balancier d'une horloge, ou mieux, le battant d'une cloche sonnant à un glas. Ce « dic à doc, dic à doc » durait quelquefois une demi-heure. Nous devenions pâles de terreur, mais le beau-père prononçait de sa voix tranquille « Ne faites pas attention, c'est tout simplement qu'une noce veille les proches. » Compté par René Alain, Quimper, 1887. Autrefois, sitôt que le moribond avait trépassé, la ménagère se mettait à confectionner des crêpes pour la médianoche de la veillée à laquelle parents, amis, voisins devaient prendre part, au moins à raison d'une personne par feu. J'ai vu de ces veillées funèbres où il y avait jusqu'à 50 assistants, et quelquefois davantage. D'heure en heure se succédaient les grâces, c'est-à-dire les prières en commun, où luttaient et rivalisaient d'émulation les personnes réputées pour avoir le répertoire le plus riche en oraisons, en traduction bretonne des hymnes et des psaumes de l'Église. Il y en avait de ces récitations qui duraient plus d'une demi-heure sans désemparer, et c'était à qui débiterait sur le mode le plus rapide les plus longues et les moins connues. Communiqué par mon père, Tréguier. Ces traductions de prières en breton rimées étaient généralement empruntées à un livre d'heures jadis très répandu dans nos campagnes et que l'on appelait Heuriou Brice, du nom de son auteur, dont Charles Le Brice, prêtre du diocèse de Léon et recteur de Cléder. Les Heuriou Brézonec à latine, heures bretonnes et latines, parurent pour la première fois en 1760 chez Perrier à Quimper. En Galles, après la mort, on organise une veillée de prière auprès du corps du défunt et on entretient des cierges allumés aux deux côtés du lit dans la chambre mortuaire. En Irlande, à la veillée funèbre, les parents se placent en ordre, les plus proches parents à la tête du mort. Par intervalles, tous se lèvent, entonnent la lamentation funèbre et racontent les vertus du défunt, pendant que la veuve et les orphelins adressent au cadavre de tendres épithètes et rappellent les heureux jours qu'ils ont passés ensemble. En Écosse, le corps est gardé jour et nuit, surtout la nuit, pour que les mauvais esprits ne viennent pas marquer le corps. La veillée se passe quelquefois à lire la Bible, souvent aussi à fumer, à boire du whisky, à manger du pain et du fromage, que que l'on sert vers minuit, et même à jouer des tours aux personnes peureuses en imitant la voix et les gestes du mort. En Irlande, dans le comté de Leitrim, il y a des jeux que l'on ne joue qu'aux veillées funèbres. À Limerick, on se livre à des jeux d'adresse après le lever du jour. Dans le sud de l'Irlande, il y a 50 ans, on jouait pendant la veillée funèbre une sorte de pantomime représentant le combat de deux jeunes gens, la mort de l'un d'eux et son rappel à la vie par un sorcier. Dans les Highlands, c'est un véritable combat que les amis du défunt engagent et qu'ils poursuivent jusqu'à effusion de sang. On honore le mort par la quantité de boissons et de tabac que l'on donne aux veilleurs. Dans une légende de Croker, Fairy Legends, page 189, le narrateur décrivant une veillée mortuaire et voulant en donner une idée avantageuse, dit qu'il n'y eut pas moins de 3 filles à y trouver des maris. Dans la Cornouaille, après le repas de minuit, on ne récite plus de prières. L'âme, dit-on, est partie. Dans la montagne, environ de Carhaix, lorsque c'est un habitant du bourg qui a trépassé, toute la population agglomérée se relaie par équipe pour veiller le défunt. La nuit est divisée en un certain nombre de quarts. À la fin de chaque quart, un homme va de seuil en seuil agiter la clochette de la mort, Clochet Car Maro, pour avertir les gens qui dorment que leur tour de veille est arrivé. Dans la région de Douarnenez, la veillée funèbre ne va jamais sans un repas, généralement copieux, que l'on sert aux approches de minuit. La croyance est que le mort participe à cette agape, où l'on a soin de lui dresser son couvert. S'il n'avait pas ce viatique suprême, il serait sans force dans l'autre monde pour atteindre le terme qui lui est assigné. Communiqué par Madame Le Bras, Kemeneven. En Écosse, la nuit qui suit l'enterrement, on dispose dans la chambre où était le corps du pain et de l'eau. Le mort revient en prendre sa part. Si l'on oubliait de prendre cette précaution, le mort ne pourrait reposer dans l'autre monde. En Irlande, on a coutume pendant les nuits qui suivent une mort de mettre à l'extérieur de la maison de la nourriture, gâteaux grillés ou pommes de terre. Les esprits viennent les manger. On fait la même chose le soir qui précède le 1er novembre. On enferme quelquefois dans le cercueil des noix que le mort mangera, croit-on. Ces noix sont vraisemblablement les noix des fées du recueil de traditions irlandaises intitulé le Dichenchus. On doit leur comparer les noisettes de sagesse et de poésie du même recueil. À Belle-Île-en-Mer, quand il y a un mort dans un village, tout le village chaume, comme on dit, pour se rendre à la veille mortuaire qui s'appelle la corvée. Quand il y a une veillée de mort dans le pays de Rosporden, l'heure venue de faire le repas de minuit, on sert aux personnes qui veillent du pain et du miel. L'odeur du miel est, dit-on, particulièrement douce à la Naon. Souvent, on voit une petite mouche, pas du tout semblable à celle de nos climats, sortir des lèvres entr'ouvertes du cadavre et venir se poser sur le bord du vase où le miel est contenu. Les gens croient que c'est l'âme du mort qui fait sa provision de nourriture avant de se mettre en route pour le lieu qui lui est assigné. Aussi est-il d'usage de laisser le vase découvert toute la nuit. Marie-Jeanne Fisch, Rosporden. Le lait est aussi, paraît-il, particulièrement agréable aux âmes. La nation bretonne est remarquable par sa piété pour les morts. On passe des nuits sur la tombe de ses parents, on y verse des pleurs, on fait des libations de lait. Cambry. À l'île de Saint, on ne se contente pas, à la veillée, de prier pour le mort actuel. On récite encore un De Profundis pour chacun des morts de la famille dans le passé, aussi loin qu'on puisse remonter, en les désignant par leur nom, prénom et surnom. Il y a des vieilles auxquelles on a spécialement recours pour la circonstance, parce que leur mémoire prodigieuse est comme un registre où les annales funéraires de chaque famille pendant plusieurs générations seraient demeurées indélébilement inscrites. Tout le temps qu'un mort reste exposé, c'est l'usage que les gens du quartier viennent lui faire visite une dernière fois. Cela s'appelle aller dire ses prières ou encore aller jeter de l'eau bénite. Au chevet du mort, sur une chaise, est placée une assiette creuse remplie d'eau bénite où trempe un brin de buis, également béni, du jour des rameaux précédents. Chaque visiteur asperge une première fois le visage du cadavre avant de s'agenouiller, puis une seconde fois au moment de se relever. Si les gouttelettes font mine de sécher presque instantanément au contact de la peau du mort, c'est mauvais signe pour le destin qui attend son Anaand dans l'autre monde. Anadruto Pedernec. En Écosse, après la mort, on asperge d'eau les chaises et les meubles. Tant que le mort n'a pas été mis en bière, il faut qu'une des ouvertures de la maison reste sans être close, à moins qu'il n'y ait dans la porte une de ces lunettes qu'on appelle trou de chat, ou qu'il ne manque au châssis de la fenêtre un carreau, comme la chose arrive fréquemment, même chez les gens aisés. Sans cela, on dit que l'âme du défunt tournera dans le logis jusqu'à ce qu'il se produise parmi les personnes de la famille un autre décès. Il n'est pas bon de garder chez soi, après le départ du cercueil pour le cimetière, la chandelle qui avait été allumée au chevet du cadavre. Si par inadvertance on venait à la rallumer dans la suite, pour quelque usage, la mort ne tarderait pas à fondre de nouveau sur la maison. Aussi la porte-t-on d'ordinaire en offrande à l'église, n'en resta-t-il qu'un menu bout. De même en Irlande, le savon, la serviette, l'eau qui ont servi à la toilette mortuaire doivent être jetées sous un buisson pour qu'on ne s'en serve plus. Dans les Hébrides, on brûle après la mort les herbes marines qui composaient le lit du malade. La veillée du prêtre. Je me souviendrai toujours de cette date. C'était le 20 du mois de février. Je veillais le vicaire, un digne prêtre, mort le matin même. Il y avait encore avec moi comme veilleur Fanche Savéant, le menuisier, et une vieille filandière, Marie-Sainte Corfec. Le mort était assis dans un fauteuil, revêtu de ses plus beaux ornements. Il avait une figure reposée, presque souriante. Nous disions les prières à voix basse, chacun à part soi. Le silence et l'immobilité commençaient à m'assoupir. Craignant de m'endormir tout à fait, je proposai à Fanche et à Marie-Sainte de réciter les grâces en commun, afin de nous tenir éveillés mutuellement. Le menuisier ne demandait pas mieux, mais la vieille filandière, qui n'était jamais de l'avis d'autrui, préféra aller s'asseoir à l'écart près du foyer pour continuer à prier seule. Savéant et moi demeurâmes près du cadavre. J'entrepris les grâces, lui donnai les réponses. Tout à coup, il fit de la main un geste, comme pour me dire de me taire et d'écouter. Je prêtai l'oreille. « N'entendez-vous pas ? » me demanda-t-il. J'entendis un petit bruit clair, argentin, mais si léger, léger, on eût dit le drin-din-din d'une clochette lointaine, d'une menue clochette, au son pur comme du cristal, qui aurait tinté dans la campagne, à des lieues de nous. Cela dura quelques secondes, puis ce fut une musique suave qui semblait sortir des murs, du plancher, des meubles, de tous les points de la chambre. En Galles, des mourants ont raconté qu'ils entendaient de douces voix chantant dans l'air. Ni Savéant ni moi n'avions jamais entendu musique si douce. Savéant regarda à droite, à gauche, pour voir d'où cela pouvait venir, mais il ne découvrit rien. La musique ayant cessé, j'allais reprendre les grâces interrompues, quand un bruit nouveau se produisit. C'était cette fois un long bourdonnement monotone. On eût juré qu'un essaim d'abeilles venait de faire invasion dans la chambre et qu'il se balançait d'une cloison à l'autre, cherchant quelque endroit où se suspendre. « Ce n'est pas possible, me dit Savéant. Il doit y avoir des bourdons par ici. » Il prit un des cierges qui brûlait devant le mort, l'éleva au-dessus de sa tête, le promena en l'air, mais nous eûmes beau fouiller des yeux les coins et recoins, nous n'aperçûmes pas même l'ombre d'une mouche. Le bourdonnement continuait cependant, tantôt strident, sonore, tantôt léger, confus, à peine perceptible. Fanche et moi, nous étant rassis, nous restâmes longtemps à nous regarder l'un l'autre, tout pensifs. Nous n'avions pas peur, mais nous étions troublés à cause de l'étrangeté de ces choses. Nous étions comme dans un rêve. Soudain, la grosse voix de Marie-Sainte nous fit sursauter. « Si vous voulez, disait-elle, vous viendrez vous chauffer à votre tour. Je prendrai votre garde auprès du mort. » Nous lui demandâmes si elle n'avait rien entendu. Elle répondit que non. Et nous-mêmes, à partir de ce moment, nous n'entendîmes plus rien. Compté par A. M. Lorset, Pinvenant, 1889. La mort de Saint Joran. Saint Joran n'a son nom dans aucun calendrier. C'était un trop pauvre homme. Mais il n'en possède pas moins une chapelle à lui, et qui n'est pas à mépriser, puisqu'elle a mérité d'être appelée la belle église tout près de la gare de Plouec. Saint Joran mourut dans le temps où se célébraient à Tréguier les fêtes de la canonisation de Saint Yves. Comme les gens de Plouec s'en revenaient à cheval de ces fêtes, ils entendirent sonner à toute volée les cloches de la belle église, sans qu'il y eût personne pour les mettre en branle. Et dès qu'ils furent auprès de la chapelle, leurs chevaux s'agenouillèrent d'eux-mêmes sur le chemin. Alors ils se dirent « Quelqu'un de saint a dû mourir en ce lieu ». Ils poussèrent la porte et aperçurent Saint Joran étendu de son long à la place où est aujourd'hui son tombeau. Ses mains étaient jointes sur la poitrine et à la hauteur du cœur, une magnifique rose rouge avait fleuri qui exhalait un parfum délicieux. Ils ensevelirent le saint pieusement et dès le lendemain, les miracles commencèrent autour de sa tombe. Compté par le sacristain de la belle église, 1903. Voir la Guers Saint-Joran chez Luzel, Guerzio Brésisel, tome 2, page 538. La veillée de Lon. Lorsque mourut Lon en Torfado, Torfado forfait, ainsi appelé parce que sa vie durant il n'avait fait que mettre en pratique les préceptes d'Olier Amon, le mauvais clerc, on peut lire dans les Guerzio Brésisel une version d'ailleurs très incomplète de cette ballade du mauvais clerc qui a joui naguère d'une grande vogue par toute la zone maritime du pays trécorois. Le nom d'Olivier Amon y est resté synonyme de vaurien, de débauché, ou mieux de fanfaron de vice. Cet Olivier Amon, natif du canton, il a soin de ne pas spécifier, fut destiné par ses parents à la prêtrise, tourna bride dès les premières années d'études, se fit valet, se maria, mangea la dot de sa femme, bâtit le pays et mourut dans la peau d'un chien. Sa femme convia en vain le voisinage à venir faire près de son cadavre la veillée mortuaire. « Je ne tiens cependant pas, se dit-elle, à veiller seul ce mécréant. J'aurais trop peur que, mort, il ne me jouât quelque farce plus vilaine encore que toutes celles qu'il m'a jouées de son vivant. » Ceci se passait un samedi soir. Quoique l'heure fût quelque peu avancée, la femme de Lon en Torfado se rendit au bourg. Elle pensait « Je trouverai bien à l'auberge trois ou quatre mauvais sujets de l'espèce de Lon qui ne demanderont pas mieux que de l'assister dans sa nuit dernière. Il suffira que je leur promette pour les allécher cidre et vin ardent à discrétion. » Guenardant eau de vie. Ce qu'elle prévoyait arriva. Dans l'auberge actuellement tenue par les Lajas, et qui est à l'entrée du bourg, une troupe de buveurs menait grand tapage en jouant aux cartes. La femme de Lon franchit le seuil et dit « Y a-t-il parmi les chrétiens qui sont ici quatre hommes charitables capables de me rendre un service ?»« Oui, répondit un des buveurs, pourvu qu'il ne s'agisse pas d'aller coucher avec vous, car vous avez passé l'âge. »« Il s'agit de veiller mon mari qui vient d'expirer. Je promets cidre et vin ardent à discrétion. » « Aussi bien, garçon, fit en s'adressant à ses camarades l'homme qui avait déjà parlé, l'aubergiste nous a menacé de nous jeter à la porte au coup de 9 heures. Suivons cette femme, nous continuerons notre partie chez elle, et la boisson ne nous coûtera rien. »« Allons, s'écrièrent les autres. » La femme de Lon retourna au logis, escortée de 4 gaillards à demi-sous et qui, tout le long du chemin, braillèrent à tue-tête. « Nous voici arrivés, dit-elle en poussant la porte. Je vous prierai d'être un peu moins bruyant par respect pour le mort. » Il était là, le mort, allongé sur la table de la cuisine. On avait jeté sur lui la nappe au pain, le seul linge à peu près convenable qu'il y eût dans la maison. Le visage, toutefois, était à découvert. « Eh, mais !» s'écria un des veilleurs improvisés. C'est Lon Antorfado ? Oui, répondit la veuve, il a trépassé dans l'après-midi. Elle alla à une armoire, en tira verres et bouteilles, disposa le tout sur le banc tossel et dit aux hommes « Vous boirez à votre soif, moi je vais me coucher. » « Oui, oui, vous pouvez laisser Lon à notre garde, nous l'empêcherons bien de s'échapper. » La femme partit, les hommes s'installèrent à une petite table placée près du mort, sur laquelle brûlait une chandelle et où un rameau de buis trempait dans une assiette pleine d'eau bénite. Je ne vous ai pas encore dit leur nom. C'était Fanch Vraz de Kerotret, Luc Arbitus du Mincam et les deux frères Troadec de Kerelgin. Tous, gens résolus et sans souci, que la présence d'un cadavre n'était pas pour impressionner. Fanch Vraz sortit de la poche de sa veste un jeu de cartes qui ne le quittait jamais. « Coupe !» dit-il à Guillaume Troadec. Et voilà le jeu en train. Une heure durant, on joua, on but, on jura et sacra. En entrant, les gars n'étaient ivres qu'à demi. Ils l'étaient maintenant tout à fait, sauf le plus jeune des Troadec. Celui-là avait un peu plus de pudeur que les autres. « Tout de même, garçon, dit-il, ce n'est pas bien ce que nous faisons là. Ne craignez-vous pas que nous ayons à nous repentir de nous comporter ainsi à l'égard d'un mort? Nous n'avons seulement pas récité un De Profundis pour le repos de son âme. « Oh, oh, oh !» ricana Luc Arbitus. L'âme de Lon Antorfado, si tant est qu'il en ait jamais eu une, elle aimerait mieux jouer et boire avec nous que d'entendre réciter des De Profundis. Sacré Dieu, oui, appuya Fanch Vraz. C'était un fier chenapan que ce Lon. Je suis sûr, tout mort qu'il est, que si on lui proposait une partie, il accepterait encore. Au pays de Galles, c'est le diable qui figure comme partenaire des joueurs de cartes. La partie se joue d'ordinaire sur un pont. « Ne dis pas de ces choses, Fanch, nous allons bien le voir. » Joignant le geste à la parole, il brassa les cartes, et comme c'était à lui la donne, au lieu de quatre jeux, il en fit cinq. « Vieux Lon, cria-t-il, il y en a un pour toi. » Alors se passa une chose terrible à dire. Le mort, dont les mains étaient jointes sur la poitrine, laissa glisser peu à peu son bras gauche jusqu'à la table des joueurs, posa la main sur les cartes qui lui étaient destinées, les éleva au-dessus de son visage comme pour les regarder, puis en fit tomber une, pendant qu'une voix formidable hurlait par trois fois « Piquez à tout, damné sois-je ! Piquez à tout ! Piquez à tout !» Nos quatre lurons, d'abord pétrifiés par l'épouvante, eurent vite fait de trouver la porte, et ce ne fut pas Fanch Vraz, malgré toute sa forfanterie, qui demeura le dernier. Ils se précipitèrent devant eux dans la nuit sans se demander quelle route ils faisaient. Jusqu'à l'aube, ils vaguèrent ainsi par les champs, semblables à des taureaux affolés. Lorsque, avec le jour, ils regagnèrent enfin chacun leur maison, ils avaient tous au cou la couleur de la mort. Fanch Vraz expira dans la semaine, les autres en réchappèrent. Mais après avoir tremblé pendant près d'une année une fièvre mystérieuse, dont ils ne purent guérir qu'à force d'absorber de l'eau de la fontaine de Saint-Gonéry. Conté par Jeanne-Marie Corr, Pinvénan 1886. Dans une légende rapportée par Curtin, un mort étendu sur la table pour la veiller reprend vie pour déclarer qu'il est innocent d'un incendie dont on l'a accusé. Il retombe mort au moment où il allait donner ses renseignements sur l'au-delà, parce qu'une personne présente l'a interrompu. La fontaine de Saint-Gonéry en Plougrescant attire nombre de malades. Le sentier qui y mène est tellement fréquenté que le propriétaire du pré où elle se trouve l'a fait paver. La vieille complainte du saint recommande surtout son eau pour la guérison des maux de tête, mais elle est aussi très efficace pour la fièvre, moins cependant que les pincées de terre prises au tombeau du pieux thaumaturge et qu'on se suspend au cou dans un petit sachet de toile. La porte ouverte. Ceci se passait à l'Escadou, dans le vieux manoir de ce nom, sur les confins de Pinvénan et de Plouguiel. On y veillait le maître de maison, un certain Legrand, mort dans la journée. La veillée comprenait d'abord les domestiques, hommes et femmes, puis quelques voisins et voisines qui étaient venus s'offrir, selon l'usage. L'agonie de Legrand avait été accompagnée de singulières choses. Pendant qu'il mourait, la chienne s'était mise à se démener dans sa niche en poussant d'effroyables hurlements. Quand on alla à elle pour l'apaiser, on la trouva en proie aux flammes, la chair à demi rôtie et puant une odeur d'enfer. Elle expira comme son maître rendait le dernier soupir. On vit en cela une étrange coïncidence. À peine l'homme et l'animal furent-ils trépassés qu'il s'éleva un orage extraordinaire. Un melon de paille qui était dans la cour fut transporté par la violence de la bourrasque à près de 200 mètres plus loin dans une prairie. Un vieil if se fendit de la cime aux racines. En Écosse, lorsqu'un ouragan éclate sur la tombe encore ouverte, c'est que le défunt a eu une mauvaise vie ou a conclu un pacte avec Satan. En Galles du Nord, au contraire, le tonnerre ou l'éclair en plein hiver annonce la mort de l'homme important de la paroisse. Les gens qui veillaient devisèrent entre eux longuement de toutes ces choses. On savait trop bien que Legrand n'avait pas vécu exempt de reproches. Il avait toujours eu la réputation d'être dur pour les siens, impitoyable envers le pauvre monde. Tout à coup, veilleurs et veilleuses se turent. La porte venait de s'ouvrir toute grande. On s'attendait à voir paraître quelqu'un, mais il n'entra que du vent. « Va vite fermer cette porte !» dit une femme à l'un des domestiques. L'homme se leva, ferma lui et revint prendre sa place au foyer. Mais il ne s'était pas rassis sur son escabelle que la porte était de nouveau toute grande ouverte. « Quel maladroit » s'écria-t-on. « On voit bien qu'il n'a jamais été à Paris. » Au dire des Bretons, il faut aller à Paris pour apprendre à fermer les portes derrière soi. « Je vous jure que je l'avais fermée, » dit l'homme. Et il alla la fermer encore, en ayant soin cette fois de la pousser avec force pour la bien assujettir dans son cadre. « Là, maintenant, si elle se rouvre, vous ne direz pas que c'est ma faute, » grogna-t-il en regagnant l'âtre. « Ou tu n'es qu'une ganache, ou cette porte est ensorcelée, » fit un autre domestique. « Vois, elle est plus ouverte que jamais. Va donc la fermer à ton tour, pour moi, j'y renonce. Oh, j'en viendrais à bout quand le diable y serait. » Cet autre domestique était un gars solidement râblé, avec des bras de lutteur. Il empoigna le bâton, le fit rouler sur ses gonds furieusement et s'y arc-bouta des deux épaules. « Je parie, dit-il, que tous les vents du monde ne l'entrebâilleront plus. » Il n'avait pas fini de parler que la porte lui frappait dans le dos et l'envoyait s'aplatir sur le sol à deux pas. Il se ramassa tout meurtri, jurant et sacrant. « Mille malédictions rouges! Qui est-ce qui se permet d'ouvrir cette porte ?» On entendit un long ricanement et une voix qui disait « Ne te vantais-tu pas de la fermer quand le diable y serait ?» L'homme fut effrayé, mais il voulut faire le brave. « Je demande qui est celui qui se permet d'ouvrir cette porte ?» répéta-t-il. « Moi !» répondit la voix d'un ton si sec, si dur, si courroucé que l'homme n'insista plus, et pour cause. Il lui semblait qu'une haleine de feu lui léchait la figure. Son épouvante était d'autant plus forte qu'il ne voyait personne. Il vint, tout pâle, se perdre dans le groupe des veilleurs et des veilleuses qui, eux aussi, tremblaient la fièvre froide, la fièvre de la peur. L'horloge de la maison tinta lentement l'heure de minuit, et quand le 12e coup eut sonné, les chandelles qui brûlaient auprès du lit du mort s'éteignirent comme d'elles-mêmes. Il ne se trouva pas un dans l'assistance pour oser les rallumer, en sorte que le cadavre demeura dans une obscurité profonde. On entendait par instants claquer les draps au vent de la porte ouverte, comme si s'eussent été les toiles d'une lessive étendue en plein air sur l'herbe des prés. De minuit jusqu'à l'aube, les gens qui veillaient n'échangèrent pas une parole, et plus une prière ne fut récitée. On se tenait rencognés les uns contre les autres, éclairés seulement par la braise du foyer et par la fumeuse lueur du lulic de la chandelle de résine. On tâchait avec les mains de se boucher les oreilles et les yeux, et l'on attendait le jour avec impatience. Conté par Jeanne Maricor, couturière, Pinvénan, 1888. L'éloge du mort. En Irlande, le Cawan, ou lamentation funèbre, se compose d'une lamentation versifiée combinée à une énumération des vertus du défunt. Dans les comtés de Cork et de Kerry, il y avait des pleureurs professionnels. À Limerick, la parente la plus proche du défunt heurte le cercueil d'une pierre qu'elle tient à la main et entonne la lamentation. Un exemple de Cawan est donné par Lady Wilde. Malheureusement, la provenance n'en est pas indiquée avec précision, et Lady Wilde ne sachant pas l'irlandais, il est difficile de dire quel crédit il faut attribuer à la traduction anglaise. En plusieurs régions de la Cornouaille finistérienne, l'usage existe encore de faire l'éloge du défunt. Ce sont surtout des femmes, vieilles mendiantes, vieilles fileuses, vieilles pèlerines par procuration, qui ont la spécialité de ce genre de discours. C'est au commencement de la veillée, quand tous les parents sont réunis, que la personne chargée d'improviser l'éloge du mort prend la parole. Elle se place généralement au pied du lit, les yeux fixés sur le cadavre. Elle relate sur un ton de mélopée les principales circonstances de la vie du défunt, insiste surtout sur ce fait qu'il n'a jamais fait de tort à ses semblables, et termine en exaltant ses vertus modestes, en rappelant qu'il a toujours été bon mari, bon père et bon travailleur. Elle ne néglige aucun détail sur la façon dont il a mené la tâche qui fut la sienne dans l'existence. C'est ainsi que la vieille Henriette d'Anzé, d'Audierne, ayant à louer un jeune homme du nom de Hervé Masson qui gagnait son pain à faire des courses pour autrui, s'en acquittait de la manière suivante. Toutes les fois qu'on avait besoin de ses services, il était prêt. Qu'il s'agit d'aller annoncer une naissance ou un décès, ou de faire quelque commission que ce fût, jamais il ne disait non. À toute heure du jour ou de la nuit, il partait. Constamment, soit pour l'un, soit pour l'autre, il était sur les routes du Cap. La région du Cap Sizun, d'Audierne à la pointe du Raz. Personne n'était meilleur marcheur que lui, et il n'y avait pas non plus de messager plus sûr ni plus discret. Avec lui, on pouvait être tranquille. Il n'oubliait rien de ce qui lui avait été recommandé et accomplissait ponctuellement chaque chose. Sa probité aussi était sans pareil. On ne courait aucun risque à lui confier n'importe quoi, et même de l'argent. Ce n'est pas lui qu'on aurait vu s'arrêter à boire dans toutes les auberges et se saouler et perdre ses commissions dans les douves des chemins comme font tant d'autres. Jamais non plus il ne prenait pour ses courses plus qu'il ne lui était dû. Bref, il était honnête en tout ce qui regardait son métier. À cause de cela, prions Dieu qu'il lui donne sa part de paradis. Lodar Barados. Souvent, l'oratrice, ou comme on dit communément, la prêcheuse, prend à témoin l'assistance de la véracité de ses dires, ou bien c'est l'assistance qui, d'elle-même, spontanément intervient pour corroborer les affirmations de la prêcheuse. Cela est vrai, c'est la pure vérité. Non pas que ces rustiques oraisons funèbres ne soient un peu comme tous les panégyriques de ce genre, il serait excessif de croire qu'elles brillent toujours par la sincérité. Rede firane un lamic, il faut leur faire un bout de toilette, disait la vieille Henriette d'Anzé. Souvent le personnage prête peu à l'éloge. En ce cas, le talent de la prêcheuse consiste à savoir tirer parti des apparences. Exemple, un homme meurt. Toute sa vie, il n'a guère fait que s'enivrer. Il a fini, comme on dit, tué par la boisson. Mais 8 ou 10 jours avant de s'éteindre, son état de faiblesse était tel qu'il ne pouvait plus ni manger ni boire. L'oraison funèbre argue de cette circonstance pour saluer en cet homme le modèle des ivrognes convertis. Ne s'est-il pas rangé dans la dernière semaine qui a précédé son trépas? Du reste, il n'est pas bon de médire d'un mort, sinon l'on s'expose à sa vengeance. Non seulement on ne doit pas médire des morts, mais encore on ne doit parler d'eux qu'avec respect. On ne prononce point le nom d'un défunt en Bretagne sans le faire suivre de la formule « Dueda bardono dananaum »« Dieu pardonne aux défunts ». En Écosse, les formules les plus employées sont « qu'il ait sa part de paradis »« qu'il ait sa part de miséricorde ». On raconte à ce propos qu'un cordonnier de Plébin, apprenant qu'un des pires soulards de la paroisse avait été trouvé noyé dans une mare de purin, s'était écrié en guise d'oraison funèbre « Crevet et agant et gorfa diwezan ». Il a donc crevé de sa dernière ventrée. Le soir même, comme il travaillait penché sur son cuir, il entendit respirer fortement derrière lui. Il se retourna pour voir qui était là et fut tout saisi de reconnaître le mort qui le regardait avec des prunelles rouges et qui murmurait en ricanant « T'es grevant hiver, querrer. Toi aussi tu crèveras, cordonnier. » Pareille scène se renouvela le lendemain et encore les jours suivants. Le cordonnier transporta son atelier dans une autre pièce. Peine perdue. Le spectre était toujours debout derrière lui. Alors le cordonnier, pour fuir cette obsession, finit par délaisser son ouvrage, se mit à courir les cabarets de désespoir et mourut au bout de quelques mois de la même mort que celui dont il avait médit. Communiqué par Henri Coudray, Corée, 1894. C'est aussi une grande faute de dire un mensonge sur des morts que 10 mensonges sur des vivants. Curtin. À Saint-Paul-de-Léon, les décès sont annoncés de la façon suivante. 4 veuves de l'hospice, s'il s'agit d'une femme. 4 vieillards, s'il s'agit d'un homme. Précédés dans l'un et l'autre cas de 2 orphelins, pieds nus, parcourent les rues de la ville en faisant tinter des clochettes. De place en place, la troupe s'arrête, les clochettes se taisent et l'un des enfants glapit. Recommandi arerdo pedenum, madan iniaso beteman perenant, maro hiae hag a vo interet vachoise, an hinianeuse dévotion d'abedie vete hene, requestiat in pace. On recommande à vos bonnes prières celui ou celle qui a été un tel ou une telle mort aujourd'hui et qui sera enterré demain. Avis à qui a dévotion de prier pour son âme. Requiescat in pace. Sur les bannisseurs des morts, voir le fureteur breton.